L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Voilà une découverte importante. Importante car pouvant remettre en cause des idées jusqu'alors bien établies. Il s'agit d'observations de galaxies au sein d'un amas de galaxies appelé le groupe de Centaurus A. Brent Tully, astrophysicien à l'université de Hawaï, accompagné de collègues européens, viennent de publier leur découverte que les galaxies de cet amas se distribuent sur des plans. Si vous vous souvenez, nous avions déjà parlé à deux reprises ici d'observations un peu similaires de galaxies satellites se répartissant en un plan de rotation autour de la grande galaxie d'Andromède. Ici, il s'agit d'un petit amas de galaxies dans lequel les astrophysiciens ont pu mesurer précisément les distances de 29 galaxies. Et ils obtiennent le résultat fascinant que 27 galaxies parmi ces 29 se distribuent en deux plans fins parallèles entre eux, et aussi parallèles au plan de l'équateur supergalactique, qui est le plan du superamas de galaxies duquel le groupe local incluant notre galaxie fait partie. Cette observation est totalement inédite. Les deux plans sont de taille semblable, avec un grand axe d'environ 1 million d'années-lumière et un petit axe d'environ 200 000 années-lumière. Ils apparaissent séparés d'une distance de 1 million d'années-lumière environ. Le groupe de Centaurus A est proche de nous. La galaxie elliptique Centaurus A est elle-même seulement à 12 millions d'années-lumière. Au-delà des 29 galaxies dont les distances ont pu être mesurées avec précision, il y a encore 7 autres galaxies dans ce groupe, mais dont les chercheurs n'ont pas pu obtenir de valeur de distance précise. Mais ils précisent que même en connaissant leurs caractéristiques dynamiques, la conclusion en serait inchangée. Il existe bel et bien deux plans de galaxies parallèles dans le groupe de Centaurus A. Brent Tully et ses co-auteurs montrent que les directions normales aux deux plans ne diffèrent entre elles que de 7 degrés, et que cette différence n'est pas statistiquement significative. L'écart angulaire avec le plan supergalactique, lui, n'est que de 17 degrés. L'épaisseur, entre guillemets, de ces deux plans de galaxies vaut respectivement 250 000 années-lumière et 180 000 années-lumière. Les auteurs font alors un petit calcul statistique pour évaluer quelle est la probabilité qu'un tel nombre de galaxies qui se retrouveraient en deux sous-groupes au sein du groupe de Centaurus A forme deux plans comme ceux qui sont observés. Eh bien, ils trouvent une probabilité de 0,03%. Clairement, ces plans de galaxies ne sont pas dus au hasard. Mais alors, d'où viennent-ils ? Il faut également rappeler que le plan de galaxie autour de la galaxie d'Andromède, qui a été reporté il y a quelques mois, est lui aussi parallèle à l'équateur supergalactique. Mais alors, que se passe-t-il là-haut ? L'équipe de Brent Tully n'apporte pas de réponse définitive, ni très argumentée. Il tente une explication en rappelant que toutes les galaxies qui nous entourent dans un rayon de 25 millions d'années-lumière font partie de ce qu'on appelle un grand mur, ou feuille locale, frontière d'une zone vide qu'on appelle le vide local. Et ce vide est actuellement en expansion, ce qui produit un mouvement vers le bas, entre guillemets, de la feuille locale à une vitesse de 260 km par seconde. Selon les chercheurs, un scénario plausible serait qu'il y aurait eu, initialement, deux grands groupes situés à des distances très différentes du centre du vide local, mais orientés vers la même direction. Ces deux entités auraient été étirées parallèlement à l'axe orthogonal au plan supergalactique par une répulsion radiale du grand vide, et seraient aujourd'hui en train de se rapprocher, ce qui aurait eu pour effet de donner à Centaurus A une grosse influence sur la formation des deux plans. Si cette explication vous paraît être une jolie petite usine à gaz. Vous pouvez également vous souvenir du billet que j'ai consacré il y a 2 semaines à une théorie développée par un chercheur indépendant français pour éliminer les notions de matière noire et d'énergie noire par la prise en compte d'un champ gravitique, dont l'une des prédictions annexes est l'existence de plans de galaxies au sein d'amas de galaxies. L'article de Brent Tully et ses collègues est paru, enfin va paraître dans Astrophysical Journal Letters. Il est déjà accessible sur le site de Preprint Archive et il s'intitule « Two planes of satellites in the Centaurus A group ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr.